Après avoir fait récupérer le corps de Polonius, le roi ordonne à Hamlet de partir en Angleterre, escorté par les deux courtisans qu'il a envoyés se préparer. Et le roi de conclure. Et maintenant, frère d'Angleterre, si tu estimes mon amitié, autant que te le conseille ma grande puissance, s'il est vrai que tu portes encore, vive et rouge, la cicatrice faite par l'épée danoise, et que tes libres tireurs nous rendent hommage, tu n'accueilleras pas froidement notre message souverain, qui exige formellement, par lettre pressante, la mort immédiate d'Hamlet. Obéis, Angleterre, car il me brûle le sang comme la fièvre, et il faut que tu me guérisses. Jusqu'à ce que je sache la chose faite, quoi qu'il m'arrive, la joie ne me reviendra jamais.